Chapitre 6e. Pachenka, depuis longtemps, n'était plus Pachenka, mais Praskovy Mikhailovna, une vieille femme maigre, ridée, belle-mère d'un fonctionnaire malchanceux et ivrogne, Mavrikiev. Elle habitait cette même ville où son gendre avait eu son dernier emploi, et là, elle faisait vivre toute la famille, sa fille, son gendre malade, neurasthénique, et 5 petits-enfants. Elle les faisait vivre en donnant des leçons de piano à des filles de marchands, à raison de 50 copecs l'heure. Elle avait parfois 4-5 heures de leçons par jour, de sorte qu'il lui arrivait de gagner jusqu'à 60 roubles par mois. On vivait avec cela en attendant une place. Praskovy Mikhailovna avait envoyé des lettres à tous ses parents et connaissances en leur demandant une place pour son gendre. Elle avait écrit également au père Serge, mais cette lettre ne l'avait pas trouvée. C'était un samedi, et Praskovy Mikhailovna préparait elle-même un gâteau aux raisins secs qu'autrefois faisait si bien le cuisinier serf de son père. Elle voulait en régaler le lendemain pour la fête ses petits-enfants. Marie, sa fille, berçait le petit. Les aînés, un garçon et une fille, étaient à l'école. Le gendre, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, reposait maintenant. La veille, Praskovy Mikhailovna n'avait pu s'endormir que très tard car elle avait dû s'employer à apaiser la colère de sa fille contre son mari. Elle voyait que son gendre était une créature faible, qui ne pouvait parler et agir autrement qu'il le faisait. Elle voyait que les reproches de sa femme n'étaient d'aucune utilité, et elle tâchait de les adoucir. Elle faisait en sorte de les éviter afin qu'il n'eût point de mal. Elle ne pouvait pas, presque physiquement, supporter que de mauvais rapports existassent entre les gens. Pour elle, il était clair qu'il n'en pouvait résulter rien de bon. Au contraire, elle ne réfléchissait même pas. Tout simplement, elle souffrait à la vue de la colère, comme on souffre de la mauvaise odeur, d'un bruit trop fort ou de coups sur le corps. Elle apprenait à Loukéria à préparer la pâte quand Michel, son petit-fils âgé de 6 ans, en tablier recouvrant ses jambes arquées et en chaussettes raccommodées, accourut dans la cuisine, le visage effrayé. « Grand-mère, un effrayant vieillard te cherche !» Loukéria regarda par la fenêtre. « C'est vrai, madame, on dirait un pèlerin. » Praskovy Mikhailovna frotta l'une contre l'autre ses mains maigres, puis les essuya sur son tablier et se dirigea vers la chambre afin d'y prendre son porte-monnaie pour donner 5 copecs. Mais se rappelant qu'elle n'avait pas de plus petite monnaie que 10 copecs, elle décida de lui donner du pain. Elle retourna au buffet, mais tout d'un coup elle rougit de ce marchandage, et après avoir ordonné à Loukéria de couper une tranche de pain, elle alla chercher la pièce de 10 copecs. « En voilà un malheur, se dit-elle. « Il faut donner le double. » Elle donna l'un et l'autre au pèlerin en s'excusant, car non seulement elle n'était plus fière de sa largesse, mais le pèlerin avait un air si digne qu'elle avait honte de donner si peu. Bien qu'il eût parcouru 200 verstes en mendiant au nom du Christ, bien que son habit fût déguenillé, qu'il eût maigri, bruni, que ses cheveux fussent coupés, qu'il portât un bonnet et des bottes de paysan, qu'il salua très humblement, Serge avait conservé cet air imposant qui attirait tant à lui. Cependant, Praskovy Mikhailovna ne l'avait pas reconnu. Du reste, elle ne pouvait le reconnaître, ne l'ayant pas vu depuis près de 30 ans. « Soyez indulgent, mon père. Peut-être voudriez-vous manger ?» Il prit le pain et l'argent, et Praskovy Mikhailovna fut étonnée de ce qu'il ne s'en allait pas, mais la regardait. « Pachenka, je suis venu chez toi. Reçois-moi. » Les beaux yeux noirs la regardaient fixement, d'un air suppliant, et des larmes y brillaient. Sous sa moustache grisonnante, les lèvres tremblaient en un sourire navré. Praskovy Mikhailovna croisa les mains sur sa poitrine desséchée, ouvrit la bouche et resta immobile, les yeux rivés sur le visage du pèlerin. « Ce n'est pas possible. Stepan. Serge. Père Serge. Lui-même, prononça doucement Serge. Seulement, pas Serge, pas le père Serge, mais... « Le grand pêcheur, Stepan Kasitsky, le grand pêcheur, reçois-le, aide-moi. »« Ce n'est pas possible. Mais comment êtes-vous en cet état? Allons. » Elle lui tendit la main, mais il ne la prit pas et la suivit. Mais où le conduire? L'appartement était très petit. D'abord, on lui avait laissé une petite chambre, presque un réduit, au fond de l'appartement. Mais ensuite, même ce réduit, elle l'avait donné à sa fille. Maintenant, Marie était assise là et berçait le nourrisson. « Asseyez-vous ici. » « Tout de suite, » dit-elle à Serge en indiquant un banc dans la cuisine. Serge s'assit aussitôt. D'un geste évidemment habituel, il ôta son sac, d'abord d'une épaule, après de l'autre. mon Dieu, comme tu t'es humilié, cher père. Quelle gloire, et tout d'un coup... » Serge ne répondit pas et sourit doucement en déposant son sac à côté de lui. « Marie, sais-tu qui est là ?» Et Praskovya Mikhaïlovna raconta à voix basse à sa fille qui était Serge, puis ensemble, elles retirèrent du réduit le lit et le berceau afin de le rendre libre, et Praskovya Mikhaïlovna y conduisit Serge. « Reposez-vous ici, soyez indulgent. Je suis obligé de sortir. »« Où ? J'ai des leçons. C'est honteux à dire, je donne des leçons de musique. »« De piano, c'est bien ?»« Seulement, Praskovya Mikhaïlovna, je suis venue chez vous pour une affaire. » « Quand pourrais-je causer avec vous ?»« J'en serai heureuse. Voulez-vous ce soir ?»« Si vous voulez. »« Seulement, encore une demande. Ne dites à personne qui je suis. »« C'est à vous seul que je me suis fait connaître. »« Personne ne sait où je suis allé. Il le faut ainsi. »« Ah, et moi qui l'ai dit à ma fille ?»« Eh bien, demandez-lui de ne pas parler. » Serge retira ses bottes, se coucha et s'endormit aussitôt après une nuit sans sommeil et 40 verstes de marche. Quand Praskovya Mikhaïlovna retourna, Serge était assis dans la chambrette et l'attendait. Il n'était pas allé dîner, mais il avait mangé la soupe et le gruau que Loukéria lui avait apporté dans la chambre. « Pourquoi es-tu revenu plus tôt que tu me l'avais promis ?» demanda Serge. « Peut-on causer maintenant ?»« Et qui me vaut le bonheur de recevoir un tel visiteur ?»« Je laisse une leçon, mais passons. Je rêvais tout le temps d'aller vous voir. Je vous écris. Et tout d'un coup, un bonheur pareil. Pachenka. » Les paroles que je vais te dire tout à l'heure, je te prie de les recevoir comme une confession, comme les paroles qu'à l'heure de la mort je dis devant Dieu. Pachenka, je ne suis pas un saint, je suis un vil, un ignoble pécheur, un pécheur orgueilleux, pire que le pire des hommes. Pachenka le regarda d'abord en écarquillant largement les yeux. Elle n'osait le croire, mais ensuite, quand elle comprit qu'il disait vrai, de sa main gauche elle toucha la sienne et dit avec un sourire navré, « Steve, tu exagères peut-être ? Non, Pachenka. Je suis un fornicateur, un assassin, un blasphémateur, un trompeur. Mon Dieu, qu'est-ce donc ? » prononça Praskovya Mikhaïlovna. Mais il faut vivre. Et moi qui pensais savoir tout, qui enseignais aux autres comment vivre, je ne sais rien, et je te prie de m'instruire. Que dis-tu, Stiva ? Tu te moques de moi ? Pourquoi vous moquez-vous toujours de moi ? Bon, admettons que je me moque. Seulement, dis-moi comment tu vis. « Et comment tu as passé ta vie ?»« Moi ? Mais j'ai vécu de la façon la plus triste, la plus vilaine, et maintenant Dieu me punit, et c'est mérité. Et je vis si mal, si mal. »« Comment t'es-tu mariée ? Comment as-tu vécu avec ton mari ?»« Tout était mal. Je me suis amourachée de la façon la plus vilaine. »« Papa n'approuvait pas mon choix, mais je ne voulus rien entendre et me mariais. »« Une fois mariée, au lieu d'aider mon mari, je l'ai tourmenté par la jalousie que je ne pouvais vaincre en moi. » J'ai entendu dire qu'il était alcoolique. Oui, mais je n'ai pas su le retenir. Je lui en faisais des reproches. Il ne pouvait pas se dominer, et maintenant je me rappelle comme je l'en privais. Il y avait des scènes terribles entre nous. Et elle regardait Kassatsky avec ses beaux yeux attristés à ce souvenir. Kassatsky se rappela qu'on lui avait raconté que le mari de Pachenka la battait. Et en regardant maintenant son cou maigre, desséché, aux veines gonflées derrière les oreilles, et ses rares cheveux demi-blonds, demi-gris, il lui semblait voir comment cela se passait. Et puis je suis resté seul avec deux enfants et sans aucune fortune. Mais vous aviez une propriété. Encore du temps de Vassia, nous avons tout vendu et tout dépensé. Il fallait vivre. Moi, comme toutes les demoiselles, je ne savais rien faire et j'étais particulièrement ignorante. Ainsi nous avons dépensé tout ce qui me restait d'argent. J'ai fait donner des leçons aux enfants. Sacha a appris un peu. Mitya, qui était déjà en quatrième, est tombé malade et Dieu l'a pris. Marie a aimé Vania, qui est devenu mon gendre. Quoi, c'est un brave homme, mais un malheureux, il est malade. Maman, l'appela sa fille, prenez Michel, je ne peux pas me couper en deux. Praskovya Mikhaïlovna tressaillit, se leva, et marchant rapidement dans ses chaussures usées, elle ouvrit la porte. Elle rentra aussitôt avec un garçon de 2 ans sur les bras, qui se rejeta en arrière, et agrippait ses mains à son fichu. Eh bien, où en étais-je ? Ah oui ! Il avait une bonne place et son chef était très gentil. Mais Vania n'a pas pu la garder. Il a donné sa démission. De quoi est-il malade ? De neurasthénie. C'est une maladie terrible. Nous avons consulté le médecin d'ici. Il aurait fallu partir, mais nous n'en avons pas les moyens. J'espère toujours que cela passera ainsi. Ce n'est pas qu'il souffre particulièrement, mais... Loukéria, s'entendit sa voix fâchée et faible. On l'envoie toujours quand on en a besoin. Maman !»« Tout de suite !» s'interrompit de nouveau Praskovy Mikhailovna. « Il n'a pas encore dîné. »« Il ne peut pas dîner avec nous. » Elle sortit, arrangea là-bas quelque chose et retourna en essuyant ses mains maigres, brunies. « Alors voilà comment je vis. Et je me plains toujours et je suis toujours mécontente. Mais Dieu merci, les petits-enfants sont tous très bons et bien portants. Et l'on peut encore vivre. Mais à quoi bon parler de moi ? Et de quoi vivez-vous ? Je gagne un peu. Voilà, cela m'ennuyait d'apprendre la musique et comme cela m'est utile maintenant. » Elle tenait sa petite main sur la commode, près de laquelle elle était assise et pianotait dessus. « Combien vous paye-t-on les leçons ?»« On paye 1 rouble, 50 kopecks. »« Il y en a même à 30 kopecks. »« Ils sont tous si bons pour moi. » »« Et est-ce que vos élèves font des progrès ?» demanda Kassetsky en souriant à peine des yeux. Praskovy Mikhailovna ne vit pas tout de suite le sérieux de la question et le regarda interrogativement. « Ils font des progrès. » « Il y a une gentille petite fille, la fille d'un boucher, une brave et bonne enfant. Voyez-vous, si j'étais une meilleure femme, sans doute, par les connaissances de mon père, je pourrais trouver une place pour mon gendre, mais je ne suis bonne à rien, et je les ai tous amenés où ils en sont. » « Oui, oui, » fit Kassatsky en inclinant la tête. « Eh bien, Pachenka, et sous le rapport religieux, comment vivez-vous » demanda-t-il. « Ah, ne m'en parlez pas. Si mal. » Je communie avec les enfants et les conduis à l'église, mais il m'arrive de n'y pas aller pendant des mois. J'envoie les enfants. Et pourquoi n'allez-vous pas à l'église ? À vrai dire, elle rougit, c'est que j'ai honte de ma robe rapiécée devant ma fille et mes petits-enfants et que je n'ai pas de robe neuve. Et tout simplement, je suis paresseuse. Eh bien, et à la maison, priez-vous ? Je prie. Mais quelle prière est-ce ? Comme ça, machinalement. Je sais qu'on ne doit pas prier ainsi, qu'il faut prier autrement. Mais je n'ai pas de vraie dévotion. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on connaît sa propre lâcheté. Oui, oui, c'est cela, dit Kassatsky comme l'approuvant. Tout de suite, répondit-elle à l'appel de son gendre, et en réparant sa coiffure, elle sortit de la chambre. Cette fois, il s'écoula assez longtemps avant son retour. Quand elle revint, Kassatsky était assis dans la même position, les coudes appuyés sur les genoux et la tête baissée, mais son sac était sur son dos. Quand elle rentra, tenant une petite lampe de tôle sans abat-jour, il leva sur elle ses beaux yeux fatigués et soupira profondément. « Je ne leur ai pas dit qui vous êtes, » commença-t-elle timidement. « Je leur ai dit que vous êtes un pèlerin, d'origine noble, et que je vous ai connu autrefois. Allons dans la salle à manger, prendre le thé. Non. Eh bien, je vous l'apporterai ici. Non, je n'ai besoin de rien. Que Dieu te sauve, Pachenka. Je vais partir. Si tu as pitié de moi, « ne dis à personne que tu m'as vu. Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne le dis à personne. Je te remercie. Je t'aurais salué très bas, mais je sais que cela te gênerait. Pardonne-moi au nom du Christ. Bénissez-moi. Dieu te bénira. Pardonne au nom du Christ. » Il voulait s'en aller, mais elle ne le laissa pas partir ainsi. Elle lui apporta du pain, des craquelins et du beurre. Il prit le tout et sortit. Il faisait noir. Il n'avait pas dépassé 2 maisons que déjà elle avait cessé de le voir, et elle ne comprit qu'aux aboiements du chien du prêtre qu'il poursuivait sa route. Alors voilà ce que signifie mon rêve. Pachenka est précisément ce que je devais être et ne fus pas. Moi, j'ai vécu pour les hommes sous prétexte de vivre pour Dieu, et elle vit pour Dieu en s'imaginant vivre pour les hommes. Oui. Une seule bonne action, un verre d'eau donné sans la pensée de la récompense, est plus précieuse que tous les bienfaits que j'ai répandus sur les hommes. Mais dans mes actes, n'y avait-il point un grain du désir de servir Dieu ? Se demanda-t-il. Il se répondit. Oui, mais tout cela était souillé, étouffé par la gloire humaine. Oui, Dieu n'existe pas pour celui qui, comme moi, a vécu pour la gloire humaine. J'irai le chercher. Il s'en alla comme il était venu chez Pachenka, d'un village à l'autre, se liant avec les pèlerins et demandant au nom du Christ du pain et un abri. Il arrivait parfois qu'une méchante femme l'injuriait, qu'un paysan qui avait trop bu l'insultait, mais dans la plupart des cas, on lui donnait à manger et à boire et même des provisions pour la route. Sa noble mine disposait même certains en sa faveur. D'autres, au contraire, semblaient se réjouir de ce qu'un monsieur était tombé si bas, mais sa douceur les vainquait tous. Souvent, il trouvait dans une maison l'évangile, le lisait et partout et toujours, les gens s'attendrissaient, s'étonnaient, et l'écoutaient comme quelque chose à la fois de nouveau et de très connu depuis longtemps. S'il lui arrivait de rendre service à quelqu'un, soit par ses conseils, soit par son savoir, soit en réconciliant des gens brouillés, il ne voyait point leur reconnaissance parce qu'il s'empressait de s'en aller, et peu à peu, Dieu se mit à se manifester en lui. Une fois qu'il cheminait avec deux vieilles femmes et un soldat, un monsieur et une dame en cabriolet attelé d'un trotteur, et un monsieur et une dame à cheval, les arrêtèrent. Le mari de la dame avec sa fille allait à cheval. La dame était dans le cabriolet en compagnie d'un étranger, évidemment un Français. Ils les arrêtèrent pour montrer à ce Français les pèlerins, qui, d'après les superstitions propres au peuple russe, vagabondent d'un endroit à l'autre au lieu de travailler. Ils parlaient en français pensant qu'on ne les comprenait pas. « Demandez-leur, dit le Français, s'ils sont bien sûrs que leur pèlerinage est agréable à Dieu. » On leur fit cette question, les vieilles répondirent « Dieu jugera ». On interrogea le soldat. Il répondit qu'il était seul et ne savait où aller. On demanda à Kassatsky qui il était, serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne répond pas. Il dit qu'il est un serviteur de Dieu. Il doit être un fils de prêtre. Il a de la race. Avez-vous de la petite monnaie? Le Français avait de la petite monnaie et il donna 20 kopecks à chacun d'eux. Mais dites-leur que ce n'est pas pour acheter des cierges. Que je leur donne pour qu'ils se régalent de thé. Tchai tchai, dit le Français en souriant. Pour vous, mon vieux, dit-il en tapotant de sa main gantée l'épaule de Kassatsky. Christ vous sauve, répondit Kassatsky, sans remettre son bonnet et saluant de sa tête chauve. Pour Kassatsky, cette rencontre était particulièrement heureuse. Elle lui avait permis d'éprouver son mépris de l'opinion des hommes, et cela lui avait été très facile. Il prit les 20 kopecks et les donna à son compagnon, un mendiant aveugle. Moins l'opinion des hommes avait d'importance à ses yeux, plus fortement il sentait Dieu. Kassatsky cheminait ainsi depuis 8 mois. Au 9e mois, il fut arrêté dans un asile d'un chef-lieu de province où il avait passé la nuit avec des pèlerins. Comme il n'avait pas de passeport, on le conduisit au poste. Quand on le questionna sur son passeport, il répondit qu'il n'en avait pas et qu'il était un serviteur de Dieu. On le classa parmi les vagabonds et il fut déporté en Sibérie. En Sibérie, il s'installa sur la terre d'un riche paysan. Maintenant, il vit là-bas. Chez son maître, il travaille au potager, enseigne l'écriture aux enfants et soigne les malades. Ainsi s'achève le Père Serge de Léon Tolstoï.